Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 53. De la destruction et de la diminution des habitudes. Que, les habitudes peuvent être détruites ou diminuées par la cessation des actes. 1. Les habitudes peuvent-elles être détruites? Toute habitude qui n'a pas de contraire, et qui existe dans un sujet impérissable, ne saurait être détruite ni directement, ni indirectement, telle est, dans notre intelligence, celle des premiers principes. Mais toute habitude qui a un contraire ou qui existe dans un sujet périssable peut être détruite directement par son contraire, et indirectement par la destruction de son sujet. La science, par exemple, est sujette à périr, elle a un contraire dans les faux raisonnements et dans l'oubli. Les vertus intellectuelles ont aussi un contraire dans les jugements de la raison, sujette à l'erreur. Les vertus morales subissent pareillement la destruction, dès que, soit par ignorance, soit par passion, soit par détermination délibérée, la raison, qui les imprime dans nos facultés appétitives, venant à changer ses ordres, donne à notre appétit une direction opposée. Il en faut dire autant des vices en sens inverse. 2. Les habitudes peuvent-elles être diminuées? Si les causes qui produisent les habitudes servent à les fortifier, les causes qui les détruisent sont aussi celles qui les diminuent. La diminution est l'acheminement à leur destruction, comme leur production ouvre la voie à leur augmentation. 3. Les habitudes sont-elles détruites ou diminuées par la cessation des actes? Nous disions plus haut que les habitudes se détruisent ou s'affaiblissent par l'action d'un agent contraire. Le temps fait surgir contre elles des ennemis nombreux dont elles doivent arrêter l'invasion. Elles périssent bientôt sous leurs efforts, si elles ne se soutiennent elles-mêmes par des actes réitérés. L'homme vertueux cesse-t-il de régler ses penchants et ses actions conformément à la raison, il se voit bientôt assailli par une foule de passions qui s'enfantent dans son appétit sensitif sous l'influence des objets extérieurs, et sa vertu périt ou s'affaiblit faute d'exercice. La science subit la même loi. Le savant néglige-t-il de cultiver ses connaissances et de contempler la lumière divine qui fait juger sainement des images et des idées fournies par l'imagination? La rectitude de son jugement est bientôt en défaut, et il finit par embrasser l'erreur. Le philosophe observe très bien que ce qui anéantit la science, ce n'est pas seulement l'erreur, c'est aussi l'oubli. Il pose la même loi à l'égard des vertus. Le défaut de relation, dit-il, a détruit maintes amitiés. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.